Oui. Bonjour. Bonjour les amis. Et on a eu juste brusque, hein, parce que merci. Merci. Oui, Naye Brisk, je sais qu'aujourd'hui c'est le début du week-end et puis Batumsusu, Bazali occupé, Namakamusu. Mais je pense que c'est nécessaire tout yako que sur la mouké, nous avons écrit ONG. Juste update. Update Mouké sur projet à Massolo Nabisso. Donc, et cause à la élément, il y a causerie Nabisso pour quelques minutes. Je pense que tout collecte 30 minutes. Hein, je ne sais pas, mais en tout cas, je compte tout collecte 30 minutes. Voilà. Merci, Nakozalawana, merci. Bon, avant de vendre comme bon mon titre est commis à ONG, avant de commencer, d'abord, comme d'habitude, mise au point et puis peut-être moi, actualisation ou bien, bon, voilà, donc tout bien en mode divers. Et ça dit qu'à un cadre, il y a un conseil, tout ça dit qu'on soit moins belé. Il y a de ces conseils qui font rire, qui font rire plutôt, et puis, les alliés, Moussoussou, un conseil vraiment marrant. Mais bon, on prend ça comme conseil, hein? Vous voyez, tu vas un conseil. C'est question maintenant d'analyser est-ce que les conseils ont des alliés vraiment des alliés critiques ou bien des alliés juste une façon d'écrire. Bon, quelques 2000 messages, moyen tout ça, la mobilisation, nous avons envoyé ça à Balé qui ont eu basali quoi assiste quoi assister Bissot. Bah, mais à côté, bah, conseil, on a une catégorie, et bah, mais qu'un peu qu'on résumé, hein, selon la catégorie, et on vient de remarquer que il y a la plupart des gens aussi, bah, ça dit qu'au 5 d'habitude, non, prof. Côté caté, côté ka, côté ka, côté ka, yomo côté, il faut que le bela yomoko. Il y a une maman qui nous a envoyé, un message vocal à partir des États-Unis. De a sentir Lingala naye azali mutu ya Équateur Mambenga. Et conseil naye azali ko résumer ba conseil mingi na catégorie wana mususu qui dit non voilà ce qui biso to landa kayo c'est parce que ezali parce que qu'est-ce que je peux dire ezapo Makambo lo bakapo na makambo na yo yango etindaka biso tolanda yo. Alors, cette maman me dit, alobi, soki olobaka te ozali nani. Soki toyebaka te ozali nani. Osalaka nini. Mbe tolandaka yo te. Alors, mususu alobi, imagine-toi bato boni basalaka ba video, soit na kati ya mboka na biso na Congo, soit na diaspora. Alors, kolanda ba video, tozo landa ba video na bino, ezali na intérêt ya message, oyo ezali ko pesa, et puis ezali pe, nani ezali ko véhiculer, mesa, ba message wana po tozo a intérêt ya kolanda ye. Alors, soki toyebaka makambo yo ozo sala te, parce que biso batovani na diaspora, tozo mona souffrance ndenge tozali ko souffrir, na kati na biso soki moko mibale misato bazali ko émerger, nous pensons que biso na diaspora même bato bavandi na mboka bakozala na intérêt ya kolanda yo parce que bakozwa moi leçon moto oyo azalaki boye peut-être lokola nga nazali. Mais tala ce qu'il a fait pour akoma na niveau wana. Qu'est-ce qu'il a fait pour akoma ndenge wana? Et ba mususu balobi bon prof moni bato oyo zali ko bazali ko yebisa yo olobela yo moko te ezali bato oyo bazali na stratégie ya ko faire taire yo oloba te oloba pona yo te bien que oloba pona Congo mais il faut oloba pe pona yo à titre d'exemple il faut jouer exemple na yo moko. Et mususu balobi ba mususu balobi bon est-ce que yo soki olobi pona yo moko te nani akoloba pona yo moko pona yo kongola lobaka pona moninga na ye kongole te donc yo moko kaka nde muto koloba pona yo bato bayeba ozali nani. Et na kati ya bato wana Congo tozali na 100 millions 80 entre 80 millions na 100 millions d'habitants. Est-ce que bato nyonso ba 80 millions d'habitants ou bien 100 millions d'habitants ba kongole ba si balanda yo? Mutona lobi, nous ne pensons pas que Bisonius va congolais 100 millions de landayo. Parce que Oyo, Ayoka, yo déjà, Ozali, Nani, Ozali, Kolobapo, na yo moko. C'est bien. Mais Moutou, Oya, Koya, Kokota, Pete, na ba live, na yo sima. Oya, Yebi, Yote. Il faut Ayeba, yo, il faut Koloba. Oya, te quand même, Osa, l'émission, na yo, Nga, Nazali, Boye, Nga, Nazali, Boye, non. Oya, na cadre, yab exemple, voilà, Likambo, Boye. Tokoui ko salango boye, ngayi na salaki yango, boye, boye, boye. Voilà, les gens prennent ba conseil wana po ba améliorer peut-être façon na bango ya ko zalela na diaspora ou bien na Congo, ou bien ko pesa conseil na bana na bango, ou bien ko pesa conseil na baninga na bango. Ezali na cadre ya mabete, soki ozali kolobela yo moko. Bien sûr que makamba Congo ezali, et il y a un papa qui m'a écrit à partir ya Congo, je pense qu'il Sangani. Ayebisinga ime banda na banda ko landa yo osala nano une émission complète te live moko esila olobela kaka yo non natango yaka olobaka opesi ba point na yo koloba okoyi koloba elikambu na yo eyaka soki olingi kopesa un exemple likambu na yo eye mais osala ka émission te banda ou bandi première minute na dernière minute tu ne parles que de toi-même. Donc, le papa là aussi, na Kisangani, me dit, bon, il faut que tu aies la malam, peut-être, batu oyo bazali koyebisa yo, oloba kapo na yo te, ezali stratégie te, ya batu ya UDPS po, eswa kabango makasi po zolobela makambo na yo, balinga kango te. Alors, tango zolobela makambo na yo, peut-être que bango esala kabango passe. Donc, je suis en train donc de dire ce que batuba ebishinga et batuba zoloba na ba conseil wana. Ils ont belé vraiment plus de 2000, mais en tout cas catégorie ba notre assistant azali ko sala yango ko tchamo na ba groupe wana ba résumé ndenge a flashinga aujourd'hui. Et tozali ko continuer toujours, ça pose pas problème. Bon, voilà. Si j'ai les lois, ils juste moko kaka, ils na lobby, ils allaient makambuya causerie na biso pona ONG, mais bah divers y a moi na zoloba, les lois politiques et beaucoup dans le cadre à divers moké, divers ils allaient que gouvernement ils allaient kobimate, bah secret na bango ils allaient kobima, pourquoi gouvernement ils obimate? Bazo ko c'est la basse makambo ke non basse bato bazo bloqué parité eza respecté té yango gouvernement ezo bimaté non c'est pas vrai to yeko yoka à la fin au finish que en réalité gouvernement wana il fallait ba respecter ba quota ya nombre ya ba député donc soki ozali na ba député 8 ozali na ministre moko. Donc parti na yo soki bazali na député bazali na ba député 8 ozala na ministre moko so ozali na ba député 16 ozala na ba ministre mibale et soki ozali na 7 députés ozala na ministre ata moko te. Mais la question qu'on se pose ezali que na mboka na biso il y a plus ou moins 1000 partis politiques plus ou moins 1000 partis politiques. Alors, batwana ba parti politique bazali kuna na parlement na bango 500. Na 500 wana, je pense que soki tozui batu oyo bazali na kota na 8 députés, bakoyi koleka peut-être 50. Donc vous allez trouver que vous allez voir que le gouvernement et kozala presque n'a plus de 50 membres. Lokola oyo uti kobima. Donc, au lieu bango ba travailler pour minimiser les dépenses, bango bazali toujours ko sala makambo moko ko bakisa ba fonction qui n'ont pas d'importance pour que ba dépense et mata toujours. Et na présidence, on demande na Félix a diminué le nombre de ba conseillers na ye. Ba toyé na bango na présidence 1018, au lieu a diminué, lui c'est chaque jour il nomme toujours ba to bazo augmenter. Donc ba dépense ezo mata toujours. Donc vous allez comprendre que c'est un monsieur en réalité qui n'est pas là pour vous. Azali wana pona binote, azali wana pona poche na ye, azali wana pona famille na ye. Et là, on a dit que déjà que dès que nous prenons les choses en main, on a dit très bien que la famille Kabila est en cannabis avec des bottes, yamboula. Il y a un compte dans la banque à mon côté. Il y a un centime dans la quantité. La famille de Tshisekedi aussi la même chose. La famille de Tshisekedi a un pouvoir. Ma boko pamba et témoignage ezali ya mwasi ya Félix ye moko alobi yango na tango bake pona ka propagande abandai ko s'inquiéter même mbongo kosomba ba t-shirt ezala kité pour ba pesa batu basala ki na mbongo te son mari ne travaillait pas chômeur pendant 54 ans et ye abandai ko sala lokola aide infirmière boyebi kaka na Belgique ba aide infirmière mawa mingi. Alors donc, ça veut dire que la famille Tshisekedi est venue au pouvoir, mais brédui, le la famille Kabila. Alors, je disais que Nathan Motokozwa ba chose en main, tout ce que la famille Tshisekedi bazali kosomba, ezali ba propriété à l'État, on va confisquer ça. Toko boto la yango. Parce que bayaki maboko pamba, toko calculé, nani azala ki na salaire combien, pour osomba et loko ya bouye. Surtout calculer salaire na yona ko lia na train de vie ndenge bazali ko voyager lokola ba Anthony Tshisekedi qui voyage motaza na fonction mon côté na mboka na biso qui se retrouve na Dubai na ba restaurant ya cher. Alors biloko nso ko zala nango to kotuna yo ozwa ki mbongo wapi po kende ko lia na ba Dubai ou voyager na ba Dubai. Alors ce qui explication claire ezate ba bomba ka bulletin de paye. Son explication claire et exacte, biloko nyonso basombi kozala ba propriété de l'État congolais. Toko zwa yango, toko botola yango. Voilà, donc wana juste pour na cadre ya update ba o ba yesima lelo tozala makambo ya politique penza te to yekolobela makambo ya ONG. Juste ba update technique. D'abord, pour na ko lever ba équivoque, ba confusion. Annonce na salaki annonce te que je suis en train de former ba topo na ONG n'appel wana ya liboso. Na lobaki boyi. Na lobi na zana besoin ya batu oyo balingi baya to solola sur un projet ya ONG. Ko solola sur un projet ya ONG, ça ne veut pas dire formation pour la ONG. C'est ça la confusion na biso ba congolais. Na lobaki to solo la pona makambu ya ONG. Alors, na kati kuna na ibi batu baye ebele. Na yeko remarke que toko sectionner batu oyo ba présenter intérêt pour na projet na biso. Na ba groupe peut-être tu causes na deux groupes ou trois groupes et voire même quatre groupes parce que batubaye est belé. D'abord et loko tu causes la liboso ils allent toko éliminer ndeko soki oyebi que ozali na capacité mokote soki oyebi en réalité otindi kaka email na yo po otinda ezali na importance ya ko déranger biso te désister yo moko. Na kati wana tokozala na ba groupe mibale. na bi ba groupe à discussion te mena ba groupe technique mibale. Groupe à liboso e kozala d'abord oyo azali na diplôme ya gradua komata. Ozali na diplôme ya gradua komata, bon tokoyi koloba même D6, ça ne dérange pas. Diplôme ya D6, gradua, licence, master, komata. Toko klase bango na groupe wana. Groupe mususu ezali bato oyo azali na diplôme ata mokote, lokola Félix. Nazali ko takine bino te ke boza diplôme te boza nécessaire te non boza nécessaire. Bande kwa na pe toko tcha bango na groupe moko. Alors, na ba groupe onyo so mi bale, toko zala na groupe oya liboso ya bato oyo bazali na diplôme d'état komata. Na kati na bango pe toko groupe bango na deux groupes. Groupe a liboso e kozala ba oyo bazali na experience ya ba ONG. Groupe a mi bale ba oyo bazali na experience ya ONG T. Alors, na kote ya groupe bato bazali diplôme T, mais bazali na experience. Kuna pe ba groupe mi bale, azan na diplôme T, mais azan experience asala na ONG. Ba kozala pe na sous-groupe, et puis oyo azan diplôme T, azan pe na experience mokote, na ONG bako za la pe na sous-groupe mususu. Alors, maintenant, problème technique awa ezali problème nini. Ndenge na lobaki une fois na live na biso, j'avais dit que tozali ko remarqué un problème sécuritaire. Il y a sécurité na biso, nous avons dit toko sala yango na zoom, mais nous avons remarqué que ba zoom na ngai na zanango ba compte ya zoom mibale misatu na loba ezali ba zoom ya ba université na ngai na tangisaka. Alors je ne peux pas utiliser ba compte na ngai ya ba zoom mibale misatu ya ba université pour na ba histoire ba chose privée. Et ce qui peut na lancer invitation na zoom na biso ba zoom na biso, l'adresse ba adresse na biso ezali komonana moto o a kozwa invitation a komona adresse na biso to kozala facilement localisable ezali malamu te ezali risque pour na sécurité na biso po boyebi ke bato oyo bazali koya bango nyonso bazali na intention ya malamu te ya kozala na biso na ONG ya kosolola na biso po na ONG. Bato mususu bazali, ba milovor bazali. Toye ba yango, ba Rwande pe bazali. Alors, na ye ko remarke ke bon, au lieu to sala invitation wana na Zoom, to sala yango na Google Connect. Non, na Google Meet. Na googlemeet.com. E kuna pe na googlemeet.com, toye ko remarke ke, capacité à Google Meet.com ezali il y a moins de 100 personnes. Alors, ce qui ezali moins de 100 personnes, c'est-à-dire que toko fragmenté plutôt ba groupe wana ebele ya ba kozeri moko. Et vous allez peut-être perdre ya temps. Alors, et toye awa pour na ko lancer appel na congolais moko. Oyo azali na compte payant ya Zoom oyo ko yiko pesa biso capacité ya 200 personnes poto solo na bango que cette personne se manifeste atin de la biso message na email na biso ou bien na inbox ya Facebook atin de la biso message congolais oyo amoni que azali na compte ya Zoom payant. Parce que si vous avez un compte, il y a Zoom payant, vous avez 200 personnes. Donc, le nombre est limité. Mais si vous avez payant, vous avez une capacité à 200 personnes. Alors, vous avez un début pour lancer une invitation. Na batu na kotinde la ye ba email ba courriel ya batu batindaki comme ça ndeko na ko lancer a ko lancer invitation. Alors soka lancer invitation a ko tchangai lokola co-host hein, c'est-à-dire que ba invité mi balé donc a ko tchape courriel nanga lokola co-host ya meeting ya ya rencontre wana. Alors, mais nako souhaiter que ndeko azali na ezali penza obligation té exigence té mais préférence ndeko wana za la mwasi. Parce que ce que je sais, dans l'expérience de ma ONG, na série mingité, il y a organisation, il y a rencontre. Si bachaka vraiment série, na organisation, il y a rencontre, il y a boy. C'est-à-dire que arranger les staff, continuer d'avoir invitation, qu'on recevoir bah doléances, qu'on répondre bah doléances, bah questions, voilà. Donc avec bande konabiso ya basi, il y a un peu de sérieux. Na lobité mais bande bande sérieux. Mais basi bachaka penza attention mingi na eloko o azali ko sala. Et bon, ce qui ndeko moi si azali te o azali na Google na Zoom payant, problème exacté, on peut chercher un homme. Donc, de toute façon, ndeko o azali na Zoom, même moi, c'est mobali, au tindelingai, qui osa na Zoom wana, et au koui koui debiso, pour que o lancer invitation pour la rencontre. Voilà. Donc, je me propose que la première rencontre se tienne le samedi, au ezali kouya. Et que sera difficile pour Nabiso to lancer disponibilité to tourner disponibilité parce que vous avez ce temps bateau va se présenter bas et donc je me propose que tout ça la Zoom Wana ou bien Google Net, Connect Meet please tout ça la yango le samedi où ils allaient koya. Donc, semaine, les lotos allaient vendredi, samedi pour Nabatoumoussoussou. Alors, une semaine après, donc, samedi, Oegoya, Tosalayango et Bogozoa, bah, invitation, ce qui m'a comme nous, c'est allé prêt. Alors, Nabane Zoom, capacité à Zoom, ils allaient 200 personnes, ce qui est allé Zoom payant. Mais, na Google Meet, problème, ils allaient que. Moi, difficulté que j'ai na bato oyo bazali na courriel ya Gmail te. Parce que na Google Meet, oui, bato mususu bazali na ba courriel mususu et koyi ko supporter yango, koyi ko kota na conférence. Mais bah, moi, ba problème que j'ai là. Alors, tu as remarqué que bato ebele bazali na Yahoo, bazali na adresse mususu, bazali ebele. Et on peut baser na Gmail baser les billets mais en tout cas tokoyi ko pénaliser bato oyo baser na Gmail te bakota na conférence te donc Google Meet et kozala na moi ba difficulté moi moke mais tokotala na ou bien ce qu'on va faire peut-être ya kozala na ba d'une façon concomitante réunion ezali ko leka na Zoom. Réunion ezali koleka na Google Meet na mbala moko. Donc tu tché ba outil ba pareil mibale na mbala moko batu o bazali na Zoom bazali kolanda batu o pe bazali na Google Meet bazali kolanda. Alors ce que je vous demande maintenant ezali ce que ozali na application ya Zoom te tcha yango. Donc osali okay, na zoom.com Zoom c'est avec Z Z O O m.com. Alors, ok, nakuna, okomona, ndenge ya ko télécharger, c'est facile, ça prend peut-être une minute. Télécharger Zoom na téléphone na yo, na computer na yo, ou bien na ordinateur na yo, na tablette na yo, ou bien na télévision na yo. Alors, pour nako éviter peut-être un problème technique, bon télécharger P. Google Meet. Vous téléchargez Google Meet et Google Meet wana ezali pe une application, c'est très simple. Il suffit qu'à vous na courriel na yo, ok, na Google point, point meet.com, Meet Google ndenge Google ezali point meet m e e lettre t meet rencontre c'est en anglais point com. Alors voilà, merci beaucoup Nandeko oyo auti ko ko tcha yango, merci. Nazomona kombo awa te. Voilà, Ndeko Elena grâce à New TV. Ah, Elena, vraiment merci beaucoup pour vous hein. Elena Garcia, non, Garcia, New TV, merci beaucoup, merci, merci vraiment. À tout moment, ceux qui nous ont en live, vous allez toujours, merci et pas nabino. Donc, Ndeko Elena, tchayango, on a zoom.com, beaucoup de zoom, on peut télécharger directement, et ça est très facile. Alors, ceux qui vont télécharger, yango, je me propose à partir ya mercredi ya semaine to kobanda mercredi jeudi boko zwa ba invitation na Google Meet ou bien na Zoom boko zwa ba invitation soko zwi invitation te ko ya ko déranger nga te prof na tinda ki email pourquoi na zwi invitation te donc lola batu bakenda kanda ba okena porte lola bazali ebele mais oba okota bazali muke donc ce que monique toi aujourd'hui invitation te ko se déranger te peut-être rejoyo na rencontre ya mibale alors na kati kuna soki aujourd'hui invitation ochena calendrier na yo et soki rencontre bandi okozala na chambre d'attente ya kozela. Et puis, tu as côté ça, donc, tu as un modérateur ou une modératrice, à côté ça, dans la salle de conférence. Si tu côté dans la salle de conférence, et tu as un micro, tu as un micro. Tu as un micro pour que tu aies un micro, tu aies un micro, tu aies un micro, tu aies un micro, tu aies un micro, tu aies un micro, na conférence, na réunion, tu aies un micro, tu aies un micro, tu aies un micro, tu aies un place tu aies un micro ce qui est comme un bar, c'est-à-dire que ce qui est au lobby, tu peux te alors, ce qui est au lobby, ce qui est au tinda qui est au lobby, au fungoli micro, tu peux te permission au lobby, et puis voilà. Donc, je pressens que première rencontre Oyo, et que vous allez un peu battre belé ba yebité ba conférence et les kakandengeni na internet ba tout mususu ba makambo technique ba yebité mais moi toko tozo sala un peu moi gestion ya gestion technique toko meka ko arranger ngo bien avant et toko guider bino qu'est-ce qu'il faut faire alors ndenge na uti koloba o ezali Moussala te tozo pe sabatou, ezali te ke ozwa salaire, ezali juste ozali ko solula. Boko yo ka qu'est-ce que je vais vous dire, et loko lini toko sala ensemble. Mais ba conférence, ba rencontre ou eko ya prochainement, et to banda ou kende siko, vous allez voir que les bandile ko zara batte belé, après, ba to banda ou kende ko diminye. Parce que moussousou, capacité peut-être de comprendre ezali te, ça demande ba prérequis. Après requis, c'est-à-dire que ezali na makambo mususu pour comprendre yango, il fallait oleka na esika moko boye pour epesa yo langage wana pour comprendre makambo tokoloba. Alors soko oleka ki esika wana te, ça sera très difficile pour vous de comprendre. Obana komona ka ba mine d'étoiles ezobaluka ba étoiles ezobaluka. Alors tout la mwizi yazaza. Donc on va ndate okima yo moko. Mais na olingate bato bakima parce que même si ozomona ba étoile problème ezate tokoyi ko récupérer yo pona eloko mususu alors on a besoin de tout le monde même ba oba na zoro ba ke sozu invitation te tokoyi éliminer mutu te sauf bato bazali ko tinda ba email na bango na retard sikoyo on a plus de place peut-être mbalasi matokoyi ko zobino toko lancer appel wana boko remarquer que Nambala sima, ba rencontre ou ego ya sima, toko zala biso mokote, bandeko bako zala, ba koreyen bako zala, ba japonais bako zala, ba australien bako zala, to zali na deux canadiens, to zali na suisse moko, to zali na new zélandais Mibale, je pense, oui. Et à part ba étudiant na biso. Donc, owana na zoloba, ezali batu, oyo bakoya, kozala na biso, ko aide biso pour que to comprendre ensemble, et lokoni to koy kosala ensemble. Et donc, voilà. Et puis, qu'est-ce que je vois? Tout est possible, prof, aujourd'hui. Voilà. Prof, Gramo je ne suis pas d'accord pour le conseil Oyo Baza Koloba Nayo. Non, prof, il faut Omilobelaka pour. Ah, toujours le Makamba ONG. Ah, c'est merci beaucoup. On va voir. Voilà, s'il vous plaît, prof, bah, email Totia Wapi. Mais non, Ndeko Shiribungula. Bah, email na si na zwa déjà donc so tinda email te c'est trop tard bat basi bah, tinda déjà bah, email na bango na si na zwa assistante na biso asia a sali liste ya ba courrier le wana nyon so ezali déjà donc so ko tinda te donc ezali trop tard pour le moment on verra prochainement et voilà alors prof Bomeka webinar ceux qui zoom et pécité. Non, bah outil ils allient belé, mais je ne peux pas vous déranger, vous télécharger, nous on se vous télécharger, ils allient belé, Webex ils allient belé, belé, belé. Alors, mais en tout cas, voyons voir ceux qui zoom tous difficulté technique pour n'abattre tout sous. Alors, tout le cas outil sous. Mais il faut voyez d'abord que avant pour au côté de la conférence il y a boyé il faut avoir la stabilité y a internet difficulté monsieur surtout ça n'engoye yangoana en réalité tout ça mingi mingi na posa y a bateau au basali sur le terrain na Congo tout ça na bango posa penza bateau basa sur le terrain na Congo mais difficulté tout ça n'engoye bateau basa sur le terrain na Congo basa na stabilité y a internet été c'est ça le problème alors stabilité y a internet exacté. Et batou ba yebite ke kozanga internet ezali revendication pour na droit na bino communication ezali droit na yo mutu ce qui Félix a zopé sa yo connexion internet était vous avez les droits ya ko manifester ndeko moko to solola na ye na yebite bon est-ce que to koy ko sa la rencontre oyo to solanga na yo na bandeko na yo na zoom. Aibisinga, ah, zoom oyo biso wa talaka ka ba internet eza malamu te. Ngabi, ah, ma internet eza malamu te, bozo senga te pour nani. Ah, toko senge pa nani, internet pe ba senga. Donc, les gens ne connaissent pas ba droit na bango. Ba yebi te. Yango ne zo bo mamboka na biso, batu ba yebi ba droit na bango te. Communication eza li droit. Kolia eza li droit. Yo papa, yo mama, soki ozali kolia te. Ozali na droit ozwa bana na bango, oke, bana na yo, oke iti la porte ya biro Félix o vande wana. Pourquoi ozali kolia te? Eza li droit na yo. Me batu ba yebi ya mote. Communication, internet, eza li droit ya moto. Alors, soki bozali na communication te, na internet te par exemple, bozali na droit ya ko revendike na gouvernement, pourquoi tozali na internet te? Pourquoi tu as une connexion? Mais les gens ignorent, ma camarade, ignorent ce que ils allaient bas droit na bango. Et il faut olobapo na yo moko, ils allaient malamu mingi koti kate, kolobela yo koti kate. Ah, c'est grave. S'il vous plaît, prof, bah email tout. Ah, il y a des gens qui ne répondraient pas. Le Gramoyaka, le Sako Nabandeko Congolais conscient, Nyonso et prof, merci. Mouyaka Nabiso, je suis pas d'accord, Naba Conseil Wana, Kotika Koloba Makambuna Yote, il faut l'obéla. Yangoto Ebelio, Yangoto Zolandayo. Merci, tout est possible, oui. Voilà, Ndeko Beti Azotinda, merci. Kona Kozo Yangote Ndeko. Na wazwa yango te, désolé, batu basi bati ndake déjà. Bandakala. Prof, ok, s'il vous plaît, biso ba oyo to salaki inscription te po na conférence nini tokoki prochainement peut-être na relancer appel hein mais po na sikote bon tata mwasi na ngai azali et ça c'est vrai hein? Tata mwasi na ngai a parti à Canada à côté il y a le belo côté à ce qui caractère qui tata mwasi tata mwasi na monio à partir ya Montréal na Canada na monio merci. Meka webinar, oui, na répondre. Microsoft Team, pesa bien, oui, bauti, eza ebele, voilà. Marie-Thérèse a tindi courriel siko. Non, ndeko Marie-Thérèse, c'est déjà fait, hein, bat bat indi déjà. Tout ça déjà débordé, tu kouy kozoa, moussousouté, prochainement peut-être, tu kou lancer appel. Webinar, pesa li helpful, oui. Mais problème est allé des connexions internet hein on a bandé comme ça la Congo donc à partir déjà de jeudi vendredi bon le cas moi bah méga tamouki na kosa la tout pour que tout oumelate pour que na bah méga na binon ceci là tout rejoint moi tamouki na ko expliquer quelque chose puis bon comprendre sens nango et par la suite entre nous pour se fixer un autre rendez-vous voilà donc webinaire bakot mawa a site webinaire bakoki kota ata 500 oui mais en tout cas ils allient bien mais ce que moi je vais naïve pourquoi na zopo na bazo mais webinaire pèse bien. Donc, mais je sais pourquoi nous allons pour nous zoom bien. Mais en tout cas, pour nous avoir la prédance dans ma cambo, hein, bah webinar, vous téléchargez na banine na bino, nyonso. Et elle vous aura invitation, bon mon na yango, outil ni toko utiliser. Ça sera bien mentionné na invitation. Et d'ailleurs, ezali outil auto ko utiliser, moto ko lancer invitation, bon mon na, comment faut-il ko charger yango. Donc, on va cliquer kaka so moni lien wana ya conférence. Ce qui est la conférence, c'est que vous avez la date de la conférence. Vous cliquez sur la place où vous avez au côté de la conférence. C'est très facile. Voilà. Na Google Play Store, Zoom, et Zap est très facile. Oui. Bande ko baza tinda ba courriel na bango. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez compris, vous avez compris, vous avez tinda ka courriel na yo. Est-ce que vous avez vraiment compris que vous avez la discussion ya boy? Donc on soit noté pour tous on a déjà moi difficulté y a compréhension des alliés hein donc on soit noté parce que aux autres là qui sont déjà bizarres donc on soit noté voilà donc Nini Soso Awa tous a dit comment bonsoir oui voilà Bayuda bakozala ebele et kenge naibi Bayuda bakozala ebele naibi je suis habitué na ba conférence ya boya naza habitué et naibi Yuda so a koti na bloquer mara moko c'est tout on les bloque c'est tout et na ko souhaiter kutu na kozala na ba administrateur baza la même 3-4 to kozala na ba tumsu na kozala na bango besoin au hasard aligni kozala volontaire à condition que oyé bah comment utiliser bah outil ou la communication sur bah conférence bah téléconférence. Ce que oyé bien en haut, j'aurais besoin y a bateau même 5 personnes. Moussala na bango pour na ko bloquer bah Yuda bah Milouvor. Donc na yebi, je sais et na moni bango déjà. Er bazo tinda bah courriel na bango na moni déjà. Moussou soukoutou na kemba la moko er na moni courriel na yé na zui qui je pense une heure y a temps y a repos. Na zui ba courrier na zomo na suspect ko ikozala ba courrier ba Yuda na luki courrier na ye na Facebook mawa soko tali ko na fachi beton moko kutu na moni courrier na ye na moni oyo fazala milvor na zui courrier na ke luka ye soki azali na Facebook na ke na Facebook na ye video ali boso na zomo na video zo finga yombi na moni ye video ya liboso na moni na Facebook na ye kaka er na koti na zui courriel na ye na ke na koti na Facebook na ye video ya liboso oye bimi video bazo finga yombi alors moto aboye akoya kokota na conférence na biso maintenant je l'ai déclassé automatiquement na longolier mais ba msusu ba koyiko échapper boye beke bazaba to bazunguluke mingi ba yuda ba kokota ebele na yebi ba kokota mais bo se déranger te je suis habitué même si ba déranger bo remarquer que au fur et à mesure tous ali ko avancer to kotika na bato penza o toza na bango besoin. Ici, ils ont les problèmes, il y a Congo. Vous allez remarquer que dans la conférence, il n'y aura pas politique, il n'y aura pas Félix, tout le lobela, Makambu, il y a Congo, et peut-être que vous avez un exemple. Parce qu'il faut bon noter bien, ils ont les ONG. Alors, vous avez un exemple, mais en tout cas, ça ne sera pas une conférence. Il y a politique, il y a Makambu, il y a Félix ou Azaki Zengi. Non, ça ne sera pas ça. Donc, bon, c'est dérangé. Je souhaite que vous soyez à la dispo pour le samedi. Vous avez Makambu, la conférence, la téléconférence. J'aurai besoin de 5 personnes, voire même 10 personnes, aider Bisho pour que vous soyez modérateur et co-host. Et tu vas te bloquer. Parce que tu as besoin d'intention de te déranger, tu vas te bloquer. Alors, tu vas utiliser l'outil avant de la parole, tu vas t'autoriser. Si tu t'autorises, tu vas te rebattre. Quand tu as un message, il faut t'autoriser le message. Si tu as autorisé le message, tu vas te rebattre. Voilà. Donc, pour éviter, Yuda, Bazala. Donc, mais tu vas préférer Félix Azala, en tout cas, tu vas te rebattre. Adresse courriel ya Félix Botcha yango na kati na ko préférer Félix Pazala po akoupe ko profiter ko zo moi mazaya moi cours azo ata ya moi mke 30 minutes et ko ki ko fungula ye moi mémoire mke na ko préférer vraiment Azala. Alors keba na makambo oyo prof oza homme à abattre congolais mutu ya confiance te oui na yebi yango ndeko Naïbi. Mais si quoi, le problème est ali, est-ce que toi abandonné mboka na biso pour na risque ya koza la bati abati ou bien to continuer ko lobela mboka na biso. Vous voyez batulokola ba chebeya batika iko lobela mboka te ba yebaki ke makamba zo sala ba koboma ye sokaza na ko banga mbela sala ki yango te mbela ba boma ye te to yebi ba Arma Tungulu ayebaki ke na tango azo zwa libanga contre Rwanda Kabila Arma Tungulu ayebaki ke bakoboma ye mais abanga kite to yebi ke monsieur Mbanda ayebaki ke bakoboma ye soki azo sala makambo boye ko binisa ba vérité mais abanga kite babomiye ba malula babanga kite donc soki to tie ko banga pona mboka na biso mon cher ami to ko aider mboka na biso ata mukete. Boye bake na mboka nyonso, meno bamboko tovandi na diaspora, na Europe, na Asie, bamboka nyonso oye mata, ba sacrifice ezalaki toujours. Ya de gens ki se son sacrifié pour lelo, bandeko na bango, ba enjoy, ba sepela, ba zwa plaisir ya ko vivre malam. Ya moto ebi saka bandeko, nga na ebi saka ba étudiant koreyen, na ebi saka bango, lelo bozo sepela na vi malam. Bozo sepela, vous ne manquez de rien, nyonso boza nango. Bango pona ba voyage ezali kaka po ba kende ko sepela mais ba voyage ki ya kende ko luka boya kende ko luka serie soko moni en korea tangami na mboka libanda ya un problème pa na yatika ya un problème peut-être ba luka kayé. Alors okomona ba te belé banda botama voyage ate otune pona nini akope so réponse na kende ko luka nini nyonso toza na ngo awa. Alors na yebisa kabango ya des gens qui se sont sacrifiés pona boy. Alors pona nini biso na Congo ba sacrifice za laté. Je vous dis lelo moto moko te akoya ko yebisa bino ke bo pesa nga pouvoir nga na ko bongisa Congo dans 5 ans 10 ans azate. Biso nde awa tozali ko luka ko contrôler makambo na mboka na biso pona ko bongisa terrain pona bana na biso o bazali ko landa ba ya ko bongisa. Donc le terrain il faut ezala ko ya ko bonga ma lelo. Alors lelo soki to bongisi terrain te bana na biso bakozala na même problème o biso toza nango. Alors bango bakoya juste po bango baya ko organiser terrain. Excusez-moi. Alors biso problème na biso ezali que lelo to bongisa terrain pour que nzela ezala malamu pona bana na biso. Alors il faut se sacrifier. Il faut toza la génération ya sacrifice, ba sacrificateur. Lelo ndi make bon problème zate ba bomangai me ba bomangai ba kutanga na munoko nanga na Congo na munoko na kufa na Congo na munoko. Monsieur Honoré Mbanda est mort avec Congo na monoko na ye a kufite ba témoignage tozui na famille na ye a kufite na monoko na ye na kombo ya mwana na ye na komba cousin na ye na komba mwasi na ye a kufi na monoko na ye na Congo botika Congo te botika Congo te. Alors mes chers amis, mboka nyonso ba sacrifice ezalaka eza mukili tokoleka moto nyonso akokufa. Alors pourquoi kokufa te lelo pona mosala ndeko na yo bana na yo ba ndeko na biso bazala malamu lobi? Donc c'est pas un problème ba yuda baboma baboma baboma te, c'est pas un problème. L'essentiel que par na nga responsabilité na sali yango na zo sala yango, c'est ça l'essentiel. Voilà, donc soki to tcheko banga alors tozana besoin ya mboka wana te. Loka nationalité mususu ovanda kuna, donc ko tche espoir na Congo te parce que ozana ko banga. Voilà. Et la ma vérité, mi bali bakufa na Congo tala mama la Marie Candide Keke mutu mulumbande. Voilà. Voilà, donc je pense que 40 minutes yangoyo na moni question moko te na bandeko oyo batinda ki ba courriel na bango, si ya une question moko ko poser, mais sinon toyokani bongo. Donc beaucoup za ba invitation mercredi jeudi ba invitation ekoya soko zui invitation oko mona combo ya outil auto ko utiliser soko ezali Zoom chaka déjà Zoom, soko ezali webinar chaka yango déjà, soko ezali Webex chaka yango déjà. Donc ozala déjà prêt ba o bazali na Congo moi méga batela moi méga. Alors wana soki tokutani ndenge na outil ko loba na kosala tout pour que ou melate to kozwa moi minute moke ba conférence ko ou melé kozala ba conférence o ekoya sima. Alors, tu peux localiser Batou, ou Bazali en Europe, ou Bazali en Afrique, ou Bazali en Congo, voilà. Donc, il y a des difficultés de connexion à Internet. Nazali déjà ko banga ke bande ko na biso Bazali en Congo, Bazala mingite. Mais, na bande ko o bavani na diaspora, s'il vous plaît, soki o moni ke yo place na yo place wana ezate yo za na diaspora. Oyebi ndeko aza na Congo, o recommande biso ndeko aza na Congo. Ko recommande ndeko aza na Congo, ko recommande mwana na yote, ko recommande leki na yote. Mabe na biso ba Congolais yango na bandeko. Ah prof ngai awa, ah ONG wana menaza na leki na nga aza na Congo kuna ye akoiko sala na yo. Mais non. Peut-être leki na yo akoiko sala makambo na te, mais mutu mususu ya quartier oyo yebi akoiko sala makambo wana. Recommande ye, ça ne dérange pas. C'est le Congo qui gagne toujours. Mais biso na Congo kaka leki na ngai mwana na ngai mwana, pourquoi tozalaka na habitude aboy yango zo bebi sa mboka tala Felix atondi si bango 1018 na présidence bandeko bandeko bandeko et pourtant yeba ki trebeke bandeko oyo ba yako salisa ina eloko moko te, mais atondi si bango toujours népotisme eza malamu te. Vous allez remarquer que na kata ba conférence awa leki na ngako zalate ndeko na ngako zalate ba se manifesta ki na yisa ki bango non. Bino, ce que vous avez dit comme ça, c'est ça, ça. Il y a un népotisme pour influencer Batou, moi, Kobanga, Nanaza, Leki, Yombi. Ce que vous avez dit, c'est ça, ONG Yaka. Ce que vous avez dit, Zala, ici, Kaozali, je ne veux pas, ma kambaba, népotisme. Awa. Ah, yo, ma kambuna, yo, Zala, kakaboye, baninga, ko profite, famille, il faut. Non. Vous avez ma kamba, famille, c'est Congo. Ndekonanga waza ina beni. Soa yibi makamba ONG. Je prefer nazwa ndekonanga waza na beni ke nazwa yo. Paske yoko ya tenam apor moko na mutuna yo. Yoko ya avek ko bangi sabato ndekwa yombi. Ngana za ndekwa yombi. Alo ozo intimide batu. Musala siki ko leka malamu te. Vanda esiko zali. Salamu salo esiko zali. Sa se pour le Congo. Toko loba makambu ya Congo. Alors, ce que yebi ndeko na yo ki aza capable ta ko sala biloko aboye, pourquoi ko recommander ye? Pourquoi ko recommander mutu musu te o yebi na quartier ou bien na village ou akoyiko sala makambwana? Voilà. Donc na boyite bandeko na biso ba milvor bazala. Ba milvor bazala na yebi très bien ke bakozala bango moko réédiqué. Bango ba o comprendre que espace ya ko sala désordre ko sala te. Ah, soit bongo ezali o vandi, soit bongo ezali te tout la mwizi o kimi. Donc bakoyiko ya y a pas de problème, nous saurons ndenge nini ya ko maîtriser bango. na koyeko lo bakout ko maîtriser te ko dompte bango parce que bango me ko maîtriser bango te bango il faut ko dompte ko dompte bango to yebi ndenge ya kosala yango voilà bazwa leçon chez voilà voilà voilà voilà ah ndeko na lobite ba mille volts to zali sima na yo ozali ko valoriser ba yaka nyonso e ba congolais merci vraiment oui merci pona Elena TV Elena Garcia TV en tout cas il faut que supporter yango bazali toujours wana pona ku debut naibi bangote naibi kote bazala kawapi mais en tout cas ils sont toujours là naibi te soki ezali kombo ya motu moko be c'est une télévision mais en tout cas ezali bandeko oyo qui viennent toujours pour nous supporter merci merci vraiment pona bino merci mingi voilà donc je pense que il faut to katawana tolobaki to sala même 30 minutes mais tokei na 1 heure donc la bande ko nyonso oyo batinda ki ba courriel na bango bo rejoindre invitation mercredi jeudi bo invitation et notre rencontre première rencontre ko za la samedi na yebi dans l'air te mais je me propose na air motonyo sa zali dispo peut-être na ngambo na Congo na Europe même si epai na biso ko za na butu makasi peut-être ba 3h 2h 3h du matin ça ne dérange pas. Alors, dans le lobby, ceux qui vont télécharger, vous avez quand même moins d'instructions, vous avez moins d'éducations, vous avez moins de rangées. Au quotidien, la conférence, quand vous avez un micro, vous avez une parole, vous avez une parole, vous avez une parole. Et voilà. Donc, il y a les bossos et vous avez un peu moins anarchique, vous allez comprendre yango. Parce que nombre ya batu et mais à la suite tokota là ndenge nini tokoki ko quoi améliorer parce que batu babana ko diminuer mususu akomona que non à la place na ngate akotika biso et babana ko diminuer bo ya ko remarquer objectif na ngai en réalité ezali que tozala na ba représentant au moins 10 ou 20 na chaque province na ba sous-province. Donc, ce qui toloba province moko, chaque sous-province est na ba représentant na biso. Ya eloko to linko sala. Toloba par exemple, na Kinshasa, tozala mutu na mutu azali na Changu, tozala na mutu azali na Moamba, tozala na mutu azali na ba province ya Kinshasa voilà. Donc, soko azali na Bandundu, mutu akwangu azala, mutu akwilu azala, mutu amaindombe azala. Et voilà, donc Tolingi, Bazala même Mibale, Misato, et Mingi Batu Bazali na ba village, parce que je sais de quoi je parle. Les sérieux paysala, vraiment, place un toko bêta, c'était dans Mikolokoya, sérieux, il faut ezala. Sérieux, vraiment, il faut ezala. Parce que Oyako Baby, sa vie na yo pamba pona moi, kwanga moke, ba pesi au moins 10 dollars. Au moins que yo ceux qui placent wana au baby si nzo kané na sima 10 dollars wana peut-être 1000 dollars ezalinga ebandai koya peut-être 2000 dollars ebandai koya peut-être moi et loko moko moi machine ebandai koya peut-être moi mutuka ebandai koya alors yo baby si kaka pona 10 dollars lokoso au baby si makambo et au moins na que c'est difficile pour baper sa yo confiance donc les séries vraiment il faut ezala. Tozali ko engager honneur na biso na eloko oyo tozali ko engager responsabilité na biso ezala te na baninga to komema ba kouta misika Amérique Europe Asie ba ya komona ke vraiment au kotisi biso na eloko moko ya aventure na ko souhaiter ko tuna sala yango te yango bozomona ke kiyungulu to koza nango tami ko zala on va tamiser to ko tamiser penza ah to ko tamiser penza pour que ma be penza ezalate et er mususu pe makalise bandai ko ya est-ce que on peut abandonner bato mususu parce que beleto yebi bangote coopérer avec les prêtres catholiques ou bien to coopérer na ba confession religieuse Par exemple, tout le monde en Bas-Congo, on confie mission à Bissau, à l'église kimbanguiste. Tout le monde, par exemple, na Équateur, tout peut sa mission à Bissau, à l'église protestante, ou bien tout peut sa église catholique. Non. Et ba pasteur, ou bazali sérieux, bazali na l'église Vanda, tout le monde peut inviter Bango, bazali na Katina Bissau. Parce que au moins bango tokoki ko localiser bango tokoki ko retracer bango que bomo na moto moko azui machine na bato tout la mwizi yazaza alongwe kabeyaka mwanga akobi ko vivre na yena Lubumbashi olanda yende ni voilà donc merci pona lelo tokutana na cadre il y a ONG tout au samedi donc attendez ma invitation pour na bino. Merci beaucoup, merci na Elena Garcia New TV, merci vraiment, ça nous va tout droit na cœur, merci et boutique la malamo pour katiwana pour na lelo. Allez, au revoir, bye bye.